un mal. Chapitre 8. Il y avait un moyen très simple pour Cachapret de se procurer de l'argent. C'était de faire le bois. L'après-midi s'achevait dans un apaisement. Le ciel éclairci par l'ondée élargissait sur les arbres un azur pâle qui commençait à se dorer vers l'horizon. Une vapeur montait des terres trempées par l'averse. Il se dirigea vers un fourré. Un passage étroit, presque invisible, conduisait à un enchevêtrement de ronces. Il se coula, plié en deux, sous l'enlacement des branches. Par moments, les épines l'éraillaient. Sans avoir fait plus de bruit qu'un lapin filant sous le bois, il arriva à la cachette où se mussait son fusil en une solide gaine de cuir goudronné. Il le tira doucement à lui et, rampant cette fois, sortit du fourré par une sente où l'on ne passait qu'aplati sur le ventre. Une fois dehors, il écouta, la tête tendue dans le vent. Personne. Alors il défit sa ceinture, laissa couler son fusil dans ses brais et s'enfonça dans la forêt. Il avait pris l'allure d'un homme éreinté et vieux, appuyé sur un bâton qu'il venait de couper. Il traînait la jambe contre laquelle pendait sa carabine. La largeur de ses épaules s'était effacée. Il marchait, le corps oblique, la tête ravalée, rapetissant sa haute stature. Ainsi, les gardes ne se défiaient pas. Cette mince silhouette passait presque inaperçue dans les arbres. Ou bien aperçue, elle semblait appartenir à un pauvre air cheminant vers son logis. C'était une des mille ruses de Cachapret de prendre dans l'ombre des postures équivoques. Et tout en ayant l'air de se mouvoir lentement, il faisait de larges enjambées. Il avait emporté son fusil à tout hasard. Une bête peut vous partir dans les jambes. Puis, on a des chances de tomber sur quelqu'un qui n'aime pas les braconniers. Ça, c'est la chasse à la grosse bête, alors. Il faut toujours être prêt à tout. Cependant, il était prudent depuis quelque temps. Il évitait de tirer. Un coup de fusil est entendu des gardes, et il sentait le besoin d'être un peu oublié. Un collet, au contraire, se pose sans bruit, et l'on court moins de risques d'être pourchassé. Les yeux de Cachapret sondaient les profondeurs de la forêt. L'intensité du guet leur donnait un éclat de phosphorescence. Ils étaient effroyablement tendus et roulaient en tous sens, embrassant presque à la fois l'étendue qu'ils avaient devant eux. Un peu plus d'agitation dans les branches, une ondulation inhabituelle des taillis, un clair piquant un objet sur le noir des fonds les arrêtait. Ils s'agrandissaient alors, et l'énorme forêt semblait tenir à l'aise dans leur dilatation. Le cou tendu, avec ses yeux aigus et froids, dévorateurs de l'ombre et du silence, l'homme en ce moment prenait des airs de bête fauve à l'affût. L'alerte passée, le regard se détendait dans les cercles petit à petit diminués. Devant lui, la forêt enfonçait ses enfilades de hêtres en des perspectives de minute en minute plus assombries. Du côté du couchant, une criblée de lumière trouait la masse nocturne des feuillages. Par place, un large rayon de soleil fendait obliquement l'air, semblait couper en deux les arbres, traîner sur le sol rouge, et les oiseaux l'un après l'autre se taisant, un silence s'appesantissait. Le ciel ardoyait maintenant comme un brasier. Des lacs rouges pendaient, accrochés au fourmillement des feuilles. Les arbres prenaient une immobilité de fût en bronze sous leur pâle du ciel noir. Un instant, tout le dessous de la forêt nagea dans une tourbillonnante vapeur vermeille. Une lueur d'incendie alluma les lointains, empourprant les filets d'arbres, et les flaques d'eau eurent un étincellement froid de sang. Puis, comme une braise qui s'éteint, la rouge clarté se mit à pâlir, prenant par degrés une douceur mourante de rose qui, à son tour, se fondit dans la nuit grise. Et subitement, les feuillages s'obscurcirent. Alors, il se redressa. Un reste de jour cendrait la terre sous ses pieds. Il entra dans un large découvert planté de jeunes arbres. Un chemin charretier le coupait en deux, et de part et d'autre la clairière s'étendait, crépelée, couverte d'ajoncs et de bruyères courtes. Des coulées filaient à ras de la brousse, pratiquées à coups de dents par les lièvres et les lapins. Il s'était baissé, était demeuré un instant immobile à regarder ces voies suggestives. Quelques-unes, toutes fraîches, allaient de la partie de la clairière qui était à sa droite vers celle qui était à sa gauche. Des abattures plus rapprochées se mêlaient à des foulées larges. Nul doute, une chevrette avait passé là de compagnie avec son brocart. Il tira son fusil de dessous sa côte, ouvrit la gaine, en retira du laiton. Puis, immobile, érigé de toute sa taille dans le silence de la forêt, il écouta s'il n'entendait pas les approches des gardes. La nuit était muette. Des froissies de branches, un vent lent dans les feuilles, seul traînait, et parfois un cri de bête rauque et doux. L'homme passa la bretelle du fusil à son épaule, se ceintura les reins avec la gaine, et le corps plié, retenant son haleine, posant ses pieds sourdement l'un près de l'autre, il s'avança dans la direction qu'avaient prise les bêtes. Des moquettes maintenant s'éparpillaient parmi les empreintes. Il les voyait distinctement bien que la nuit fût tombée, mais la clarté du jour semblait être demeurée en ses prunelles, et comme les chats, il les avait lumineuses et profondes. Il était sûr de tenir un bon passage. À une certaine distance du chemin, l'herbe, très piétinée, dénonçait même une habitude de regagner par là le haut de la forêt. Selon toute probabilité, le brocard et sa chevrette reprendraient la même route pour rentrer à la remise. Et il se mit à regarder autour de lui, cherchant un arbre, flexible et jeune. Un petit bouleau se dressait au milieu des touffes de bruyère. Il l'attira, le courba, et avec du fil de laiton fit un large nœud coulant. Puis il prit une touffe de bruyère et en parfuma le collier pour dissiper l'odeur de ses mains. Sûrement, si le couple revenait par le passage, le brocard qui va devant dans les coulées passerait sa tête à travers la bricole, et à en juger par la largeur de la pince, c'était viande de belle prise. Il détala. Une nuit claire commença de monter derrière les arbres, noyant la forêt dans un crépuscule limpide, et un souffle lent, continu, semblait être la respiration de la terre. Cachapré se mit à quatre pattes, et sautant à petits bonds, s'effaçant derrière le hérissement des buissons, il descendit le chemin qui coupait la clairière sur un assez large parcours. Un chevreuil, c'est déjà de l'argent. Mais le brocard pouvait se dérober, et en fin de compte, il valait mieux deux bêtes qu'une. Ses idées de proie se mêlaient dans sa tête à la sensation amoureuse de presser Germaine contre lui, de la griser avec du vin, et puis peut-être de l'entraîner dans la nuit. Sa silhouette arquée se confondait avec l'ombre des genêts, très abondant en cet endroit. Le seul bruit qu'il faisait en courant était de mettre parfois le pied sur une branche sèche qui craquait. Il ouvrait largement à la terre la paume de ses mains, reposant tout son corps sur celle-ci et imprimant à ses reins des secousses légères, de façon à toucher à peine du pied le sol. Il cherchait un passage commode pour se glisser dans l'épaisseur du fourré qu'on voyait à une portée de fusil du chemin, faire une large tache noire sous la clarté de la lune. Il finit par trouver une refuite visiblement élargie par les bêtes à leur rentrée. Elles filaient dans la bruyère, estampées par le martèlement des sols, et par moments se dérobaient sous les ronces. Un petit chêne râblé avait poussé là, en compagnie de trois bouleaux, et ces quatre arbres faisaient un tremblement d'ombre sur le vaste découvert. Cachapré posa le pied sur un des nœuds du chêne, la main sur un autre, et cédant des genoux, grimpa jusqu'aux hautes branches. De ce point, il dominait le taillis, les genêts, le déroulement de la sente jusqu'au fourré. Il ouvrit son couteau, piqua la lame dans la branche, tendit l'oreille. Un murmure profond flottait dans l'énorme clarté bleue de la nuit. C'était la douceur d'un éventement qui se prolongeait, régulier, continu, très lent et solennel. Cela traînait dans les arbres, sortait des taillis, montait des profondeurs, lointain et tout proche. Et une autre rumeur, sourde également, se mêlait à celle-là, composée du broutement de toutes les bêtes rôdant à travers la nuit. Une curée s'accomplissait, des faims se gorgeaient dans l'ombre, et toutes ces voracités réunies formaient au fond de la forêt un bruit pareil à celui du vent dans les pins. Cachapré, lui, était habitué à cette symphonie extraordinaire, des mâchoires broyant et des coups de dents à pan. Il reconnaissait au froissement des branches les reins glissant dans les taillis, les croupes frôlant le dessous des arbres, l'ondulation souple des chevreuils filant dans le mystère des remises, les petits sauts des lièvres se coupant de leurs dents aiguës un passage au ras du sol. Parfois, ce vaste grouillement obscur était dominé par les retombées saccadées d'un galop. Des pourchards remplissaient les fourrés d'une colère vague, avec des heurts secs de cornes et des rumeurs de voix grêles. Puis, le tapage cessait, se terminait dans le piétinement étouffé d'une marche lointaine. Et Cachapré écoutait monter à lui l'inexprimable horreur de cette animalité éparse à travers les ténèbres. Une odeur s'échappait des cohues confuses qu'il sentait battre la nuit autour de lui, et cette odeur le grisait, finissait par l'emplir d'un vertige. Il aurait voulu tenir toutes ses proies l'une après l'autre au bout de sa carabine, se prendre corps à corps avec elles, rouler dans leur sang après les avoir égorgées à coups de couteau. De ses yeux agrandis, il les regardait moutonner dans les transparences des taillis. Silhouettes indécises et fuyantes, ce va-et-vient farouche paraissait s'immobiliser au milieu du sommeil du bois. Ensuite, des soupirs, des vagissements d'amour et de douleur traînaient dans le vent léger. Tout à coup, une plainte faible émut l'air. C'était l'homme qui modulait l'appel de la femelle. En même temps, il oignait ses habits d'une graisse puante qui avait l'odeur de l'amour. Il écouta. Une agitation courut dans le fourré, un long frisolis de feuillets, et presque aussitôt, un chevrotin bondit dans la clairière, la tête haute. Là, une hésitation l'arrêta immobile, aspirant à plein mufle les vents animales. La tendre vapeur lunaire l'a enveloppé, lustrait son pelage, allumait une paillette dans son œil rond. Subitement, il recommença ses bonds du côté du chêne cette fois. Cachapré, arc-bouté sur sa branche, la tête ramassée dans les épaules, leva son terrible bras, plus ferme qu'un pieu. Une férocité battait à sa narine. Il avait ouvert son couteau et guettait la place où il allait frapper. Le chevrotin avança d'un bond encore et tendit sa tête fine avec un mouvement inquiet. Un sifflement perça l'air alors, et, lourd comme une masse, le couteau s'abattit entre les épaules. La bête frappée poussa un cri bref, se dressa sur ses pieds de derrière, et la minute après roula deux fois sur elle-même. D'un saut, il fut à bas de la branche. Une trépidation continue secouait l'animal. Ses sols battaient les feuilles par saccades violentes, et un spasme déchaussait sa mâchoire, d'où coulait un filet de sang. Cachapré appuya son couteau, d'une pesée, l'enfonça jusqu'au manche, puis le retira. Le chevrotin, une dernière fois, essaya de se dresser sur ses genoux, et tout à coup retomba, la tête ballante, ses larmiers largement ruisselants. La lune mettait sa clarté pâle sur cette agonie. Lui demeurait là, les bras croisés, regardant se tordre et gigoter sa proie. Il admirait son coup, satisfait d'avoir frappé au bon endroit. Et muet, insensible à la mort qui tardait, il attendit le moment d'emporter la bête. D'une secousse suprême, la vie partit. Il souleva l'animal par les pieds pour juger du poids. C'était un chevrotin d'un an. Les broches lisses et solides commençaient à sortir du merrain. Il boucha avec de la terre le trou fait par son couteau, arrêta le saignement. Puis, d'une secousse en levant le corps, il le fit retomber sur ses épaules. Ainsi chargé, la tête de la bête battant ses reins, il gagna à travers la forêt une coupe de bois récemment abandonnée où se massaient des bûchers. Ses ongles creusèrent la terre. Il coula le chevreuil dans le trou et par-dessus étendit une couche de feuilles sèches. Il avait son plan. La lune maintenant éclairait perpendiculairement la forêt. Comme un lac, elle s'étendait entre les arbres. L'écorce polie des bouleaux luisait dans la pâleur des lointains. C'était la lumière de minuit, sereine et lourde par-dessus le sommeil des bois. Cachapret calcula qu'il avait 4 heures encore avant le jour. 1 heure de marche pour gagner la cabane des ducs, 1 heure pour se reposer, puis 2 heures pour chercher le gibier, le charger et se mettre en route vers la ville. Cela lui suffisait. Il coupa à travers la forêt. Il ne se cachait plus, marchait, dressé de toute sa taille, continuant seulement à étouffer le bruit de ses souliers par une vieille habitude. Le cœur gai, sifflotant un air entre ses dents, il passait à travers les éclaircies de lune, sous les hêtres balancés au vent. Des lapins partaient de dessous ses pieds. Il les écoutait filer dans les genêts, leurs ongles égratignant la terre d'un grattement sec. Et d'autres fois, des fouines, des mulots, des blaireaux, le frôlaient de leur corps fuselé. Il abattit une fouine du plat de son talon, tua à coups de couteau 2 lapins, atteignit d'une volée de sa trique 1 arrêt, accomplissant ainsi sa besogne d'extermination par plaisir. Il était l'oreille ouverte à toutes les agitations de la nuit, la ruse éternellement vigilante, la main invisible qui cogne, frappe et tue. Il était la mort. Les bois semblaient secoués d'un frisson à son approche. Il atteignit la hutte des ducs. « Eh, vieille ase ! » cria-t-il en heurtant la porte. Une voix éraillée grommela à l'intérieur. « Est-ce toi, fieux ?»« Oui. » Au bout d'une minute, un pied nu claqua à terre et la vieille apparut, sèche comme un squelette, ses vertèbres moulées dans sa chemise de grosse toile. Elle était habituée à ses apparitions matinales. « Quelle nouvelle ! » Y a qu'il faudra venir au bois à la piquette du jour, dans 1 couple d'heures, toi et ta brouette. Où ça? Au Ronchêne, tu ramèneras des ramons. Y a l'eau à porter? Il haussa les épaules. 1 pièce, 2 pièces, à voir. D'abord que c'est ainsi, j'ai le temps de me mettre corps 1 heure contre mon homme. Et toi? Moi, je vais dormir le même temps là-dessus. Il montrait une botte de paille posée droit dans un coin. Il l'ouvrit, l'étendit à terre, s'allongea. Il vit alors le tibia écharné de la vieille qui se glissait sous la couverture où Duc, les yeux demi-ouverts, faisait semblant de ronfler. « Bonsoir, la compagnie » cria-t-il. Un mouvement lui répondit du fond d'un tas de feuilles à côté de lui. « Tiens, dit-il, c'est toi, Gadelette ?» Tite ramena ses jambes sous ses reins, se retourna sans rien dire, et 1 heure durant, tandis qu'il dormait son puissant sommeil à plein poumon, elle demeura éveillée, se rongeant les ongles et le regardant de ses yeux de chat sauvage.